Conte de Noël pour les enfants par Jules Lemaître. Ma filleule Liette a 10 ans. C'est une petite fille très raisonneuse. Je lui avais donné pour sa fête un bel exemplaire des contes de Perrault. Quand je la revis, je lui demandais « As-tu lu mon livre ?»« Oui, parrain. » « Et l'as-tu trouvé amusant ?»« Sans doute, » fit Liette avec une moue. « Mais il y avait bien du choix. »« Qu'entends-tu par là, Liette ?»« Eh bien, il y a certainement quelques histoires très jolies, des histoires qui finissent bien. » C'est-à-dire des histoires où ceux qui ont été méchants sont punis et où ceux qui ont été sages sont récompensés. Par exemple, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Riquet à la houppe finissent très bien, mais les autres... Explique-toi, Liette. Voyons, parrain, est-ce que tu admets la fin du petit chaperon rouge? Voilà une petite fille qui est mangée par le loup. Pourquoi? Parce qu'elle était polie avec lui et parce qu'ensuite elle s'amusait à cueillir des noisettes. Et la mère grand qui est aussi mangée par le loup, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, elle, la mère grand? C'est comme la femme de l'ogre dans le petit pousset. Elle est très bonne, la femme de l'ogre. Quand elle voit le petit pousset et ses frères, elle se met à pleurer et elle leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ?» Elle les mène se chauffer auprès d'un bon feu et lorsque son mari rentre, elle les fait cacher sous le lit. Elle décide l'ogre à ne les tuer que le lendemain et elle leur porte à souper. Et comment est-elle récompensée de son bon cœur? Le lendemain matin, elle trouve ces 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Est-ce que cela est juste? Je sais bien que les petites ogresses n'étaient pas jolies et qu'elles promettaient d'être très méchantes, mais enfin, elle les aimait comme cela puisqu'elle était leur mère. Liette dit ces derniers mots avec beaucoup d'expression comme au théâtre. Est-ce tout, Liette? Oh, dit-elle en hochant la tête et en secouant ses boucles, je n'en finirai pas si je disais tout. Nous avons le temps, Liette. Eh bien, fit-elle après un moment de réflexion. Il y en a, comme je te l'expliquais, qui sont punis et qui n'ont absolument rien fait. Mais il y en a aussi qui sont punis, non pas injustement, si tu veux, mais beaucoup plus qu'ils ne l'ont mérité. Que veux-tu, c'est la vie. Tu dis, rien, continue. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de barbe bleue? Elle était curieuse, désobéissante, et encore, elle avait bien le droit d'aller voir partout, puisqu'elle était la maîtresse de la maison. Mais est-ce qu'elle n'est pas assez punie par la frayeur qu'elle a eue dans le cabinet de l'appartement bas, et en voyant, ensuite, que la petite clé est tachée de sang et que le sang ne veut pas partir? Non, il paraît que ce n'est pas assez, reprit Liette d'un ton sarcastique. Il faut encore que son mari la prenne, d'une main par les cheveux, pendant que de l'autre il lève son coutelet en l'air pour lui couper la tête. Heureusement que ses 2 frères finissent par arriver. Mais ce qu'elle a dû souffrir, la pauvre femme, tout ça pour une petite désobéissance de rien du tout. Et dans les faits, donc, bien sûr que Fanchon est sotte et orgueilleuse, mais est-ce que ce n'est pas une assez grande punition pour elle de voir sa cadette jeter, à chaque parole, des perles et des diamants et épouser le fils du roi? Je te le répète, je n'aime pas Fanchon. Mais aller mourir au coin d'un bois et ne pouvoir même pas se plaindre sans vomir des crapauds et des serpents, cela est vraiment trop dur. Mais au moins, Liette, tu te réjouis des succès du marquis de Carabas et de son fidèle Chaboté. Oh, là encore, il y aurait bien à dire. On défend aux enfants de mentir, on les fouette quand ils ont menti, et ton fameux Chaboté ne fait que mentir du matin au soir. Et puis, pourquoi manger l'ogre qu'il a reçu civilement dans son château? L'ogre est bête de se changer en souris par vanité. Mais ce n'est pas une raison. Et ce grand Benet de marquis de Carabas, qui devient si riche, sans avoir fait œuvre de ses 10 doigts, est-ce que c'est juste? Vois-tu, parrain, c'est très joli tes contes de Perrault, mais ça donne aux enfants des idées fausses. Quelques jours après cet entretien, le jour même de Noël, Liette, ayant rassemblé ses petites amies, Zette, Toche, Dean, Pot, Niquette et Yo-Yo, leur racontait des histoires, ce qui est un de ses grands plaisirs. 6 paires d'yeux limpides étaient fixés sur Liette, et 6 bouches roses buvaient ses paroles. Liette disait « En ce temps-là, Jésus naquit dans une étable entre le bœuf et l'âne. Marie et Joseph étaient auprès de lui, et les bergers et les rois mages vinrent l'adorer. Vers la même heure, le petit chaperon rouge, qui ne se souvenait seulement plus d'avoir rencontré le loup, s'amusait à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de fleurs. « Des fleurs à Noël ?» dit Zette. Liette méprisa l'objection et continua. Elle ne s'était pas aperçue que la nuit venait. Le bois était noir, le panier qu'elle portait à son bras, où il y avait une galette et un petit pot de beurre, lui semblait bien lourd. elle ne connaissait plus son chemin et se mit à pleurer. Mais elle vit, très loin, une petite lumière. Elle marcha de ce côté et arriva à l'étable où Jésus était couché dans la crèche. Elle fut d'abord surprise, mais comme l'enfant Jésus lui souriait, elle l'embrassa et elle offrit à la Vierge sa galette, son petit pot de beurre et ses bouquets. La Vierge la remercia et lui dit « Tu as bien fait de venir ici, petite. Sans cela, tu aurais été mangée par le loup. » Mais le loup n'a même pas pu manger ta mère, grand, car un homme l'a vu au moment où il essayait d'entrer chez elle et l'a chassé à coups de pierre. Alors, la Vierge commanda à l'un des bergers de reconduire la petite fille chez ses parents qui devaient être en peine. Et l'un des rois mages trouva le petit chaperon si gentil qu'il voulut l'adopter. « Allez demander à mes parents, » dit le petit chaperon. Et le roi mage y alla. Il adopta le petit chaperon rouge et il l'emmena dans sa cour avec son père, sa mère et sa mère grand. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Liette. Quand le petit chaperon rouge fut sorti de l'étable, la femme de l'ogre arriva tout en pleurs. Elle dit son malheur à la Vierge et qu'elle venait de trouver ses 7 filles égorgées. La Vierge lui répondit, après avoir parlé tout bas à l'enfant Jésus, « Rentrez dans votre maison, pauvre femme, vous y trouverez vos 7 filles vivantes dans leur lit. Elles seront même plus jolies qu'auparavant, et au lieu de leurs longues dents et de leur nez crochu, elles auront de petites dents et des nez retroussés. Mais recommandez bien à votre mari de ne plus tuer les petits-enfants. » « Je n'y manquerai pas, madame, » dit la femme de l'ogre. « Au reste, mon mari est très fâché d'avoir tué ses filles par mégarde, et je crois que son chagrin l'a rendu meilleur. » « S'il en est ainsi, » dit l'un des rois mages, « je le prendrai à mon service. Il sera un des Suisses qui garde mon palais. » La femme de l'ogre fit de grands remerciements et s'en alla bien contente. Alors, madame Barbe Bleue entra dans l'étable, les cheveux épars, une petite clé à la main. Elle dit son aventure à la Vierge et combien elle craignait le retour de son mari. La Vierge prit la petite clé tachée de sang et la fit toucher à l'enfant Jésus. Le sang disparut aussitôt. Et la Vierge rendit la clé à madame Barbe Bleue, qui la remercia beaucoup. Madame Barbe Bleue entra chez elle, et son mari ne sut jamais qu'elle lui avait désobéi. Il fut donc très gentil pour elle. Mais parce qu'il avait été très méchant en tuant ses premières femmes, il mourut quelques jours après d'un accident de chasse. Et Fanchon, la fille orgueilleuse qui avait été condamnée à vomir des crapauds et des serpents à chaque parole, vint à son tour dans l'étable de Bethléem. Elle alla vers Jésus. Elle s'agenouilla, et toute tremblante de ce qui allait sans doute arriver, elle dit « Jésus, ayez pitié de moi !» Mais au lieu de vipères et de crapauds, ce furent des roses de Noël qui lui tombèrent de la bouche. Aussitôt que Fanchon, pleurant de reconnaissance, se fut retiré, un gentilhomme se présenta, richement vêtu et coiffé d'un chapeau à grandes plumes. Il criait au berger « Place, manant, place au marquis de Carabas !» Et s'approchant de la crèche, il ôta enfin son chapeau et dit à l'enfant Jésus « Mon cousin, je vous présente mes devoirs. » « Monsieur le marquis, lui dit la Vierge, retournez chez vous, s'il vous plaît. D'abord, vous n'êtes pas marquis, puisque vous êtes le fils d'un meunier. Vous n'êtes point des amis de mon fils, car vous n'êtes pas humble de cœur et vous n'avez d'ailleurs acquis votre grande fortune que par les ruses et les mensonges de votre chat. N'avez-vous pas honte de lui devoir tout ce que vous êtes ? Retournez chez vous, mon garçon. Pendant que vous venez ici, votre beau château s'est évaporé et vous n'en trouverez plus que l'emplacement. Mais si vous vous mettez au travail et si vous avez bonne volonté, je vous promets, au nom de mon fils, que vous gagnerez très bien votre vie et que vous ne serez point malheureux. » Et le marquis s'en alla au milieu des rires des bergers et des mages. C'est tout. Zette, Toche, Dine, Pote, Niquette et Yo-Yo parurent enchantés de ces récits. J'avais écouté dans mon coin, en faisant semblant de lire mon journal. Quand Liette eut fini, « Tu as bien parlé, lui dis-je. Tu viens de montrer, dans tes inventions puériles, avec la douceur et la grâce d'une femme de France, la délicatesse d'une conscience lentement épurée par les générations d'excellents Ariens dont tu es la petite héritière. Je ne comprends pas ce que tu dis là, parrain. Cela ne fait rien, Liette. Mais tu n'as pas parlé des fées qui sont dans les contes de Perrault. Elles aussi vinrent adorer l'enfant Jésus dans l'étable. Et comme elles étaient très belles et magnifiquement habillées, l'une d'or, l'autre d'argent, la troisième de soie cramoisie et la quatrième de velours bleu de roi, et ainsi de suite, et qu'elles étincelaient de 1000 pierreries, ce fut un très beau spectacle, et que tu auras moins de peine à te figurer que je n'en aurai à le décrire. L'enfant Jésus reçut leur hommage, puis il changea les fées en saintes et il les répandit dans la campagne et dans les bois. Là, elles ont soin des herbes et des fleurs avec lesquelles on fait les remèdes et des fontaines qui guérissent les maladies. Elles protègent les voyageurs, elles détournent les troupeaux des mauvaises plantes, elles apprennent à chanter aux oiseaux. Et ce fut une d'elles qui, la première, parla ta grande amie Jeanne d'Arc sous l'arbre des fées. Ainsi s'achève Conte de Noël pour les enfants par Jules Lemaître.